sont devenus noirs, mon cœur est devenu dur. Je les laisserai sur le carreau qui t'enfonçait dans le mur. Maman, j'ai fait du mal, je suis fier de toutes ces choses, hein. Pour une histoire de dose, je vais les laisser sur la chaussée. Si je monte sur le gilet rare, y a plus rien à négocier. On laissera pas de preuves et pas de réouverture du dossier. Oh. Oui, Yama, Yama, Yama, je vais leur sortir le parabello. Le parabellum, tiré sur ses buts, je rentre dans une matrice, je n'en reviendrai plus, je vais leur sortir le parabellum. J'ai grandi, si je veux compter mes péchés, je compte les pochons que j'ai vendus. Elle me demande si je suis dans le bif, je vais lui mettre un gramme dans le pif. Elle verra que je suis dans le truc, que j'ai de la pure, je te garantis. Ce soir je compte pas rentrer, ce soir je ne compte pas rentrer.